Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr et sur nosécrans.com pour le 10e épisode de Comic Stories sur nos écrans, émission qui reviendra comme chaque semaine sur l'actu des adaptations de comics au cinéma et à la télévision, et dans laquelle nous vous proposerons notre débrief de la semaine consacré à, comme chaque semaine, à une série télé. Et cette semaine, il s'agira d'Agents of Shield, de la série d'ABC. Nous allons vous parler des épisodes qui ont été diffusés depuis le retour de la deuxième partie de cette saison 2. Voilà pour le programme. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 10e épisode de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne, and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the street. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi cette semaine, comme pour toutes les émissions de cette semaine d'ailleurs, Arnaud. Salut. Allez, on va commencer avec l'actu ciné comme de coutume, avec un petit peu plus d'ordre maintenant, parce que nous avons classé les news selon les grands studios. Donc on va commencer avec le bloc DC Warner, et je vais commencer par quelque chose qui me met en joie, forcément, puisqu'il est question de Batman 66, la série Batman des années 60. D'après Adam West et Burt Ward, donc les Batman et Robin de cette version télé, Warner Bros. Serait en développement pour l'année 2016 d'un film d'animation qui serait adapté de la série, et qui serait donc le moyen pour la Warner de fêter les 50 ans de cette série de 1966, donc. Ce qui serait donc une très bonne nouvelle. Ça permettrait de prolonger un peu l'univers de cette série des années 60. Et puis, visiblement, s'ils font ça, c'est sans doute parce que la réédition en Blu-ray l'année dernière a rencontré un succès, à mon avis, inespéré et inattendu pour la Warner. Parce que ça s'est vendu très très très vite, malgré le prix. Donc voilà, un film animé pour prolonger tout ça. Je suis preneur. De Batman pour le prix d'un 2016. C'est ça. Et puis apparemment, Julie Newmar, qui doublait Catwoman, prêterait également sa voix au personnage dans cette nouvelle version. Voilà. Arnaud, toujours du côté de DC Warner. Là, c'est pas encore confirmé, c'est plus une rumeur, mais comme Warner ne confirme jamais rien, apparemment, Scott Eastwood ferait un caméo dans Suicide Squad, et il interpréterait Steve Trevor. Ouais. Donc, il serait le lien, en fait, entre le gouvernement et la Justice League, enfin en tout cas entre les nouveaux super-héros. Et donc, si on connaît les comics, on sait que Steve Trevor, c'est le love interest de Wonder Woman. Et puis toujours du côté de Suicide Squad, on a appris cette semaine que Adewale Akinwoye Agbaje, ouais, qu'on a pu voir dans Lost, dans Thor The Dark World, sera Killer Croc dans le film Suicide Squad. Donc, je vais prendre un petit peu de pause maintenant que j'ai prononcé ce nom imprononçable, et je vais te laisser terminer ce bloc Warner d'ici. Là, c'est sur Batman vs Superman. Alors, toujours pas confirmé, mais Warner ne confirme jamais rien, et apparemment, ce serait très, très possible. Le trailer du film serait diffusé pendant les pubs de Mad Max, donc le prochain Mad Max Fury Road, qui sortira le 15 mai aux États-Unis. Ce qui est à dire à peu près 2 semaines après Avengers 2. Et ce serait très plausible parce que c'est déjà l'un des films les plus attendus de Warner, hein, qui sera en plus diffusé à Cannes, donc on va beaucoup en entendre parler. Et en plus, apparemment, l'un des collaborateurs de Hans Zimmer, qui s'occupe de la BO du film, a révélé sur Twitter qu'il est en train de mixer la musique du trailer. Donc, en principe, ça confirme que le trailer va sortir. Et en tout cas, un trailer est en préparation. Voilà. Mad Max, ouais, ça serait vraiment une bonne occasion de nous diffuser tout ça, c'est sûr. Et puis toujours du côté de Warner DC, des nouvelles de Guillermo del Toro. Oui, alors le monsieur est très très occupé. Enfin, on laisse de côté The Strain parce qu'apparemment il n'a pas beaucoup bossé dessus. Mais on savait qu'il était très intéressé par la Justice League Dark, hein, et il a même dit qu'il était en train d'écrire un scénario. C'est chose faite, il l'a écrit, il l'a même rendu à la Warner, hein. Et donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'il y a un scénario existant. Donc, ça veut dire que la Warner essaye de développer l'univers Vertigo, l'univers Dark de DC. Et donc, il faut attendre plus de nouvelles, de savoir si ça va tomber dans leur planning et si Guillermo del Toro pourra le réaliser, parce que le monsieur est très occupé. entre la finalisation de son film qui sort à la fin de l'année, la suite de Pacific Rim et la série animée, il supervise The Strain et un jeu vidéo. Oui, donc voilà. En tout cas, il développe, en tout cas, la Warner développe un film Justice League Dark qui s'intitulera Dark Universe. En plus, comme par hasard, la série comics va être nommée Dark Universe. Mm-hmm. Et en principe, on devrait avoir John Constantine, The Swamp Thing, le fantôme Deadman et Zatanna. Voilà. Ok, bon, bah ça fait combien de temps qu'on parle de ce film? 6-7 ans, là, au moins, maintenant, hein? Oui, mais il est vraiment entré en production depuis 2 ans. On n'en est pas loin, donc là, du coup, je pense que d'ici 10 ans, c'est bon. Oui, à peu près. Voilà. C'est bien 15 ans pour faire un film, c'est pas mal. Il viendra une fois que la mode sera passée. Allez, on va commencer maintenant la partie Marvel-Disney des news cinéma. Et c'est encore toi, Arnaud, qui va nous parler de Star Wars cette fois. Eh ben, si vous êtes fan de Star Wars, vous n'êtes pas censé être passé à côté de l'info de la convention Star Wars en Californie, à Anaheim, du 16 au 19 avril. Et donc, apparemment, Lucasfilm, qui appartient aussi à Disney. Et donc, à cette convention, en fait, on nous dévoilera un nouveau trailer de Star Wars The Force Awakens. Et ce trailer devrait, en principe, être diffusé pendant les pubs d'Avengers Age of Ultron. Voilà. De quoi promouvoir les grands films Disney qui vont sortir cette année. Mm-hmm. Et en plus de cela, c'est le premier panel de cette convention où on va introduire cette Star Wars Celebration avec notamment J.J. Abrams qui va réaliser le prochain film. Ce panel sera retransmis à travers le monde le 16 avril donc à 19h heure française. Donc oui, ce sera diffusé en France dans 6 salles, donc dans 6 villes de France parmi 23 pays dans le monde. Et donc ce sera à Paris au Gaumont Champs-Élysées, à Marseille au cinéma Pathé Plan de Campagne, magnifique nom, à Lyon à l'UGC Ciné-Cité Confluence, au Kinépolis de l'Homme pour Lille, et au CGR Le Français Bordeaux, et à l'UGC de Strasbourg. Et donc pour avoir une chance de gagner 2 places pour ça, vous pouvez pas les acheter, c'est un concours sur le site de Disney, tout simplement. Vous rentrez directement sur les sites de ces cinémas-là. Ok. Bah, très bien. Initiative plutôt sympa. S'ils diffusent ça dans les 23 pays du monde, est-ce qu'on peut s'imaginer que c'est aussi lors de ce panel qu'ils nous proposeront le fameux trailer? Oh oui. Vu la diffusion mondiale, c'est possible. Allez, on va repasser toujours du côté Disney, mais du côté Marvel Studio, avec l'annonce qui a été faite par alors Monsieur Kurt Lane, qui est le vice-président de Marvel Animation. Il a fait cette annonce lors de l'ICCC, la fameuse Emerald City Comic Con, dont je vous parlais la semaine dernière. Il a annoncé que Marvel Studio est en train d'envisager la possibilité de faire des films d'animation qui seraient tie-in, qui seraient liés au Marvel Cinematic Universe. Donc non content d'avoir développé des séries télé liées à cet univers cinématographique, eh bien il est bien possible qu'on retrouve nos personnages en version animée et que ces films d'animation là soient canoniques par rapport à l'univers cinéma. Que leur univers animé est inexistant, plutôt des séries très orientées jeune public, donc à voir qu'est-ce que seraient ces films d'animation. Est-ce que ça se fera d'abord? Parce qu'ils sont en train de réfléchir à la possibilité de le faire. Hein. C'est en cours d'élaboration, nous dit Kurt Lane, mais pour le moment, il ne peut rien annoncer. Donc ça veut dire qu'ils ont au moins 2 films d'animation de prévu. Ça serait intéressant, parce que ça permettrait de faire se rencontrer plein de personnages sans avoir à payer les acteurs. Et à faire c'est des ça, choses. Mais faudrait les mêmes voix. Et ouais, pourquoi pas. Ça sera le moyen d'avoir des choses qui nous mettraient des années à obtenir en version au cinéma, quoi. Alors que là, en film d'animation, voilà, la production serait plus rapide, surtout s'ils sont déjà en train de travailler dessus, voilà. Donc, plutôt intéressant. Si là, il n'y a pas de question de budget. Non, c'est ça. Et puis Marvel a annoncé cette semaine la liste des invités à son avant-première mondiale d'Avengers Age of Ultron. Et donc on a pu voir dans la liste des invités 2 noms apparaître que l'on ignorait jusque-là. Celui de la française Julie Delpy, parmi les personnes de la liste From the Film, donc des acteurs du film Avengers Age of Ultron. Donc Julie Delpy sera au casting, on ne sait pas du tout dans quel rôle. Et on a également découvert que Linda Cardellini, qu'on a pu voir notamment dans New Girl, fait partie aussi des invités, et elle fait partie des special guests. Donc ce sont des personnes... Toute cette liste de special guests, c'est soit des acteurs des autres films qu'on a déjà vus dans l'univers cinématique, ou des acteurs que l'on va voir arriver, notamment qu'est-ce qu'il y a dans cette liste, celui qui va jouer le Cage fait partie de la liste, j'ai oublié son nom. Ouais, Colter. c'est ça, Colter. Voilà, il y a Paul Rudd également qui fait partie de ces special guests, donc voilà. Donc ça veut dire que Linda Cardellini plutôt, ben, est amenée peut-être à faire une apparition soit dans Avengers Age of Ultron ou à tenir un rôle important dans le suite de la franchise. Donc Forcément, les grosses rumeurs, c'est Carol Danvers. Voilà, Carol Danvers. Moi, je suis plutôt sur du côté des Inhumains avec Médusa. Donc, on aura la réponse de temps en temps très vite maintenant. Hein. Il n'a plus que. Alors, cette émission sera diffusée le combien? Le 9 avril. Bah, 13 jours à tenir avant de découvrir Avengers 2. Donc, voilà. Ça va. Ça va. Allez, on va passer maintenant du côté de la Fox avec le rating qui est tombé pour Deadpool. Oui, et ils ont fait ça, ils ont fait une petite blague pour le 1er avril, hein, Les petits malins. dans une vidéo, peut-être c'est une interview de Ryan Reynolds, qui est actuellement sur le tournage du film à Vancouver, hein, et il dévoile que le film sera interdit, enfin, sera déconseillé aux moins de 13 ans aux États-Unis, ce qu'on craignait tous. Hein. Sauf que c'est une blague, en fait. Le film sera bien R-rated, comme on dit, donc interdit aux moins de 17 ans. Et donc, on retrouvera forcément tout ce qu'on adore chez le personnage, son insolence, ses insultes, enfin, tout ça. Et on l'a très bien montré dans le film, puisque très bien montré dans la vidéo, pardon, parce que dans cette vidéo, c'est une fausse interview de Ryan Reynolds, oui, de Ryan Reynolds, pardon, où il parle, justement, de ce Deadpool qui sera interdit au moins de 13 ans, et finalement, Deadpool arrive lui-même dans la vidéo, pour casser la gueule du journaliste et lui révéler qu'en fait le film sera bien moins de 17 ans. D'accord. Pour être complet sur la Fox, bon, bonne nouvelle, hein, heureusement, Deadpool, voilà, pourra se permettre la liberté de temps, très bien. Pour être complet sur la Fox, donc je vous disais, on a également appris pour le film X-Men Apocalypse que Ben Hardy jouera le rôle d'Angel, donc un mutant assez emblématique de l'univers des X-Men. On va passer maintenant aux news un peu plus concernant des news un peu plus de films indépendants par rapport à leur franchise comics. Tout d'abord, Todd McFarlane qui a dévoilé dans une vidéo qu'il a postée sur sa page Facebook qu'il était en train de travailler sur le script d'un film Spawn. Spawn, décidément le vent en poupe en ce début 2015. Donc voilà, Todd McFarlane travaille sur un script pour un film et peut-être nous faire oublier le précédent film Spawn. Ah, ça existait? Ouais. J'étais pas au courant, je pense que je vivais mieux comme ça. Bah ouais, je pense que tu vivras mieux en oubliant ce que je viens de t'apprendre. Quelle Et est-ce que tu vivras mieux maintenant que tu connais la news dont tu vas nous parler? horreur. En plus, c'est tombé le 1er avril, il me semble, et j'ai vraiment cru que c'était une Ouais, blague. mais l'histoire de décalage horaire, voilà, c'était pas Mais vraiment non. encore, hein, voilà. Mais non. Stephen Amell, donc Oliver Queen, Arrow dans Arrow, jouera Casey Jones dans Tortue Ninja 2. Voilà. Quelle horreur. Alors, Casey Jones, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers des Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, c'est un univers que j'aime beaucoup. Stephen Amell, je l'aime bien dans son interprétation de Arrow. Mais pas dans ce film, quoi. Pas dans cette version cinématographique-là. Enfin, voilà, je vous ai assez dit tout le mal que je pensais du premier Tortue Ninja. Voilà, Stephen Amell, pour débarquer sur le grand écran, bah, je pense pas qu'il ait fait le bon choix. Mais heureusement, c'est un personnage avec un masque de hockey, donc on ne verra pas son visage. Il pourra dire, c'était pas moi. Voilà pour cette partie cinéma. Maintenant, on va passer à la partie des actus télé et on va commencer du côté des indés avec Arnaud qui va nous parler donc de The Walking Dead. Et non, pas The Walking Dead, d'abord du spin-off Eh oui. Fear the Walking Dead, parce que c'est la semaine dernière, donc maintenant 2 semaines plutôt pour Une les semaine et gens. demie, ouais. Il y a eu le final de The Walking Dead qui a eu des très grosses audiences au passage, 15,8 millions et 8,2 sur la cible. Donc c'est la plus forte audience pour un season final et c'est le deuxième meilleur épisode de la saison, donc de la série tout court. Et à cette occasion, ils ont diffusé un petit teaser pour le spin-off Fear the Walking Dead qui sera diffusé cet été. Et donc on apprend en fait, enfin avec ce teaser, on comprend qu'on va s'intéresser au tout début de l'épidémie, au moment où, pas quand ça commence, mais vraiment au début après que tout soit tombé, que cette épidémie ait commencé. Et donc alors on voit rien en particulier, il n'y a rien. Mais ça, l'histoire m'intrigue quand même, de voir comment La ça façon se dont le teaser est fait, ce Good Morning Los Angeles à la radio, etc., et les news, en fait, tout simplement, de ce présentateur radio qui parle d'un virus, et qui conseille aux personnes qui se sentiraient mal de rester chez elles, etc., etc., et puis ces petites images en flash comme ça, où on voit bien les gens qui ont des démarches un peu bancales, qui peuvent faire penser à des zombies, c'est assez efficace. Ça dure 16 secondes, mais c'est assez efficace, et ça, c'est vrai que ça fait envie. Je Donc pense qu'elle, réponse cet été. voilà, je pense qu'Elvire, en voyant ces 15 secondes, s'est dit, oh, les origines! C'est ça. Mais non, l'épidémie aura bel et bien déjà commencé et on n'aura pas les raisons de cette épidémie de toute façon. Allez, on va passer à Marvel maintenant. Et Marvel, face au succès des agents du Shield sur W9, et ben la chaîne mère, M6, a décidé de programmer les trois premiers épisodes de la série, donc ils sont passés il y a 3 semaines maintenant sur W9, le 21 avril, veille de sortie de Avengers 2. Alors M6, là, au niveau timing, joue la chose de la plus belle des manières, puisque le 21 avril, on aura Avengers, le film, qui sera suivi à 23h20 des trois premiers épisodes de Agents of Shield. Donc, une belle soirée en perspective pour M6, et à n'en pas douter, un énorme succès d'audience à prévoir pour la chaîne ce soir-là. La veille de la sortie du 2, voilà, je pense qu'ils vont tout écraser sur leur passage, il n'y a pas d'autre possibilité que ça. Même si c'est M6, c'est que niveau, voilà, pour mettre en avant ce genre d'opération, c'est pas forcément les meilleurs, mais là, forcément, ils peuvent que casser la baraque. Et oui. Après, est-ce qu'ils vont continuer la série? Ça peut être bien. Et bah ouais, mais la Plus série en tard. tout cas a vraiment trouvé son public sur W9, hein, parce qu'il y a là sur la troisième semaine, ils n'ont perdu que 6 000 téléspectateurs par rapport à la semaine précédente, donc c'est stable, quoi. Ça y est, le million est acquis de manière quasi définitive maintenant, parce qu'on est à plus d'un million encore pour chaque épisode, 1,2 million, 1,3 million. Donc voilà. En plus, maintenant, ils rentrent dans les épisodes qui sont excellents. Voilà, donc En là tout cas, très bien. ils vont entrer dans la bonne phase, donc c'est très très bien pour W9. Donc est-ce que M6 va proposer une troisième diffusion après suite à ce succès? Pourquoi pas? C'est Pourquoi aussi un pas? test de programmer ces épisodes en deuxième partie de soirée. À voir. Et puis pour terminer cette partie Marvel, sachez que Cheo Odari Coker, qu'on a pu voir sur bosser sur les séries Ray Donovan et Southland, sera le showrunner de Marvel's Luke Cage. J'arrive à prononcer son nom et je me vautre sur le nom de la série qui est tout con. Donc série qui est attendue pour 2016. Il écrira les deux premiers épisodes de cette série où donc Mike Colter, voilà, on cherchait son nom tout à l'heure, jouera donc le héros qu'on verra d'abord apparaître dans Marvel's AKA Jessica Jones, qui est donc prévue elle pour fin 2015. Voilà. Allez, on va passer du côté de chez DC maintenant, des séries DC avec Ciara Renee qui jouera le rôle de Kendra Saunders, c'est-à-dire tout simplement Hawk Girl, dans le spin-off Arrow the Flash, cette fameuse série dérivée de Arrow et the Flash. Donc Kendra, c'est une jeune femme qui découvre qu'elle a subi plusieurs réincarnations au cours des derniers siècles. Et quand on la provoque, son ancienne personnalité de guerrière se manifeste. Et donc elle a également des ailes qui poussent, d'où son surnom de Hawk Girl. Et puis une autre nouvelle qui est tombée sur cette série, qui est une excellente nouvelle pour moi, parce que j'aime beaucoup cet acteur et le personnage qu'il interprétait dans Doctor Who, c'est Arthur Darvill qui interprétera, donc qui était donc Rory, hein, dans Doctor Who, qu'on a pu voir également dans Broadchurch, dans le rôle du prêtre. Et lui, il interprétera le rôle de Rip Hunter, et non pas Rick, hein, un voyageur dans le temps qui, dans les comics, est tout simplement le fils de Booster Gold. Voilà. Arnaud, c'est à toi. Alors là, il nous reste deux news à faire. Mais alors, on termine vraiment par nos deux coups de cœur de l'année. D'abord Constantine, qu'on adore tous. Alors, si vous pensez que la série était définitivement morte et enterrée comme moi, eh ben non, c'est pas encore le cas. David Serum, le showrunner de la série, a annoncé sur Twitter qu'il présentera ses idées pour l'éventuelle saison 2 à la chaîne NBC fin avril. Et donc, comme les upfronts sont le 11 mai, on devrait avoir la réponse ce 11 mai, justement. Donc ça veut dire qu'il a des idées, ce mec-là. C'est dingue. Après, est-ce que c'est des bonnes idées? On verra. C'est NBC En même qui temps, décidera. Constantine, une série pleine de bonnes idées, hein. C'est juste qu'elles sont pas explorées à fond. Peut-être qu'ils vont lui dire, bah, bouge-toi un petit peu, là, si C'est t'es ça. bon. Et l'autre grande nouvelle, alors là, le gros coup de cœur de la semaine, c'est pour la saison 2 de Gotham. Alors, je suis ravi de la saison 2. On aura de nouveaux personnages, comme si on n'avait déjà pas assez. On nous introduira Freeze, Clayface et le Mad Hatter. Ouais, donc trois ennemis emblématiques hein, de Batman, trois ennemis bien connus, notamment de ceux qui regardent la série animée, parce que moi je me rappelle vraiment des versions de ces personnages-là. Quand je pense à ces trois personnages, je pense tout de suite à la série animée. Donc voilà, on aura donc ces trois personnages, et puis ben le pire dans cette annonce, c'est peut-être qu'on a vu passer des propos comme quoi ils seraient peut-être en train de réfléchir à la cour des hiboux. Enfin bon, Pitié. voilà. Déjà qui termine la saison 1 sur une note pas trop catastrophique, Voilà avant de déjà. penser à la saison 2. Saison 1 dont on vous parlera bientôt, hein, puisque c'est fin mai que nous vous ferons le bilan de cette première saison, ou mi-mai je crois même, le 10 je crois. Voilà pour Gotham, et ben ça nous permet maintenant de passer au débrief de la semaine, parce que les news sont terminées, et nous allons vous parler d'Agents of Shield. Combien d'épisodes depuis le retour? 3? 4. 4? Nous allons vous parler des 4 derniers épisodes, enfin pas tout à fait les 4 derniers, parce que vous en avez vu un cinquième qui a été diffusé donc ce mardi, que nous n'avons encore pas vu, parce que nous enregistrons dimanche. Nous allons vous parler de ces 4 épisodes qui marquent le retour de la série après les événements du Mid-Season Final qui nous laissaient sur un épisode qui nous avait fait complètement exulter. Rappelez-vous si vous ne... Si... Notre émission spéciale que nous avons consacrée au bilan de mi-saison en fin d'année dernière. 4 épisodes donc. Est-ce que on est toujours aussi emballé ou pas? Autant voire plus, j'ai envie de dire. Toi plus. Je sais pas, peut-être plus, mais en tout cas, c'est toujours dans cette même mouvance qui s'est installée dans la saison 2 et surtout dans les derniers épisodes. Mais vraiment, c'est vraiment le panier très très haut de ce qui se fait en ce moment. Sur les 4 épisodes, il y en a peut-être un que j'ai trouvé un peu en dessous, c'est le troisième. C'est quoi déjà? Ah, L'avant-dernier, c'est... avec Cal. Non! Bah, c'est celui-là l'avant-dernier. Ah non, alors c'est pas celui-là. C'est C'est celui celui qui se avec Sif, là. termine par la révélation du vrai Shield. Et bah, si, je crois que c'est la fin du 3. D'accord. Bon, alors je me trompe. Peut-être que j'en ai pas trouvé en dessous. Puisqu'ils attaquent le shield. Attends, non, non. Ah non, il y a 5 épisodes, pardon. Il Ah y a bon? 5 épisodes à diffuser. D'accord, oui, parce que je me disais, oui, Sif c'est le deuxième, après on a eu Cal, et après il y en a eu un. Oui, il y a eu Ward. Voilà. Et ensuite, il y a eu l'attaque du shield. Donc oui, c'est celui avec Ward que tu C'est parles. ça que j'ai trouvé un peu en dessous, mais qui restait très bien, très agréable et tout ça, mais j'ai trouvé quand même, voilà. Bah, l'histoire de Ward est pas encore, elle est encore en décalage par rapport au reste parce que c'est encore les balbutiements de l'intrigue. Faut voir où ça mène. Hein. Surtout que ils essayent de nous montrer l'agent 33 comme un personnage peut-être qui regrette ce qu'elle a fait ou d'avoir raté sa vie ou je sais pas. Et donc elle devient plus un personnage positif contrairement à Ward que maintenant tout le monde déteste ou adore détester. Mais j'aime bien leur duo quand même. Le duo, il était très efficace. Hein. Mais Il est après, tout ce qui... très Pardon. efficace, mais il est assez malsain, je trouve, moi, mais... Bah oui, vu qu'elle a le visage de... De May... Non, mais même, ils ont une relation hyper malsaine, je trouve, les deux. L'espèce d'emprise que Ward a sur elle, c'est... Oui, bah sinon, il laisse cette emprise sur tout le monde, hein, sur beaucoup de personnes, en tout cas. Mais tout ce qui se passe à côté, moi, j'étais passionné par ce qui se passe à côté, avec... comment? Le développement de Sky, de cette fois, hein. Moi, ça, depuis le début, ça me passionne, même si, de ce que t'as pu me dire, et d'autres commentaires que j'ai pu lire, j'ai un peu, peut-être un peu bataillé sur Twitter avec des gens là-dessus. C'est peut-être lent, mais je trouve que c'est bien qu'ils prennent leur temps d'installer ça. On peut pas avoir d'énormes révélations et des chamboulements à chaque épisode. Faut justement avoir de tels chamboulements. Il faut qu'il y ait une construction avant. Pour que bah si on détruit tout ce qui est arrivé, il faut construire ces choses-là déjà avant. Oh non, bah c'est pas moi qui te l'ai dit, hein. Moi je t'ai pas dit. Non. C'était un petit peu ouais, il est un peu moins bien cet épisode. Ah oui, bah il en faut bien qu'il soit moins bien pour qu'on puisse apprécier ceux comme le dernier, hein. Ou comme Mais en tout cas, celui avec eh merde, Cal. si. Ah, calme. Oui, même si avec Sif est très bien aussi, enfin. Oui, alors il y avait des gens qui étaient vraiment là, avec tout ce qui s'est passé, etc. C'est un peu chiant, je sais, d'accord, il faut... Bah faut bien souffler un peu en même temps, enfin je sais pas, moi ça m'a pas. Oui, il disait, d'accord, ils doivent respecter un calendrier, etc. Je pense pas que ce soit spécialement le calendrier Marvel qu'ils doivent respecter, c'est que vraiment, c'est quand même avant d'être quand même une série Marvel, c'est une série avec des personnages, et il faut construire ces personnages, il faut développer ces personnages-là, et c'est exactement ce qu'ils font. On leur reprochait ça l'année dernière au début de saison, de pas développer leurs personnages, et là ils leur font arriver des choses à leurs personnages, et ils les font développer ces personnages, et ils font bien développer ces personnages en conséquence de ce qui leur arrive. Oui, non, c'est vrai que c'est très bien. Parmi tous ces cinq épisodes, bravo, parmi ces cinq épisodes, voilà, il y a quelques moments quand même plutôt magiques que je retiens, notamment un, c'est Léo Fitz. Voilà, je suis tellement content que ce soit lui le premier personnage de toute la franchise Marvel au cinématique universe qui prononce le mot Inhuman. Enfin, ça m'a tellement rendu content de voir que c'était lui qui le disait pour la première fois. Et voilà, et du coup, c'est un personnage qui en plus de me plaire beaucoup, parce que j'adore ce personnage-là, voilà, aura marqué l'histoire du coup du MCU, parce que ce sera le premier à avoir mentionné le mot Inhuman, ce qui est quand même pas rien depuis le temps qu'on attendait ce putain de mot en I. Ben voilà, c'est Fitz qui l'a dit en premier, et c'est super cool. Quoi d'autre On avait quand même eu des révélations aussi sur dans l'épisode avec Sif, où on voit un cri, et là oui. Quand tu connais les comics, c'est rien de révolutionnaire, mais si tu connais pas, ça va apprendre des grosses révélations, et puis même ça fait du bien de que ce soit posé dans l'univers, voilà, on le dit, et que ça arrive très tôt dans ce retour. Disons que les gens, voilà, ont pu un peu reprocher à cet épisode de faire une parenthèse, etc., mais l'épisode avec Sif, il arrive pile au bon moment, parce que Sif, elle arrive d'Asgard, elle arrive avec sa connaissance de l'univers dans sa globalité, et elle arrive en sachant ce qu'est un cri, en sachant ce qu'ils ont fait sur les autres planètes, et c'est donc elle qui vient et qui apporte la connaissance à l'équipe de Coulson de ce que sont les cris, de ce qu'ils ont fait, et finalement de ce qu'est un inhumain. Oui, parce qu'ils n'auraient jamais découvert, puisqu'il n'y a aucun texte, il n'y a rien là-dessus. Donc l'épisode, il tombe vraiment parfaitement au bon moment, au moment où bah, il commence à être confronté à tout ça, etc. Et non, pour moi, c'est vraiment un épisode très très important pour la série, même s'il n'a pas l'air de l'être. Voilà, il est important à ce niveau-là, avec les révélations sur l'écrit, tout ça. Mais il est aussi important pour montrer les avis divergents dans l'équipe. Hein. Parce qu'il y a Léo Fitz qui soutient Sky. Hein, mm-hmm. Et à l'opposé, t'as Gemma qui veut carrément faire une liste pour mettre tous les gens avec des super pouvoirs sur une liste, ce qui rappelle certaines choses, mmh. Et qui est complètement à l'opposé, qui veut elle veut pas protéger Sky, elle veut protéger les gens de Sky. C'est ça. Et pour elle, Sky est malade et il faut la soigner. C'est une menace. Et c'est une menace. Et du coup, elle a un discours qui est très inquiétant. Oui. Et du coup, c'est bien justement, ça montre tous les avis qui existent. Et c'est bien d'avoir eu cet éclatement du groupe autour de cette question, ouais. Voilà, qui en plus amène d'autres éclatements plus tard, mm-hmm. Et même au sein du duo Fitz Gemma, Fitz Simmons, ouais. Simmons. Et du coup, bah, tu le dis, on a pris beaucoup d'avance sur le MCU avec toute cette intrigue autour des Inhumains, et puis maintenant on en prend également vis-à-vis de Civil War, parce que effectivement, tu as parlé de cette fameuse liste, le fait de lister les personnages avec des pouvoirs, de les identifier, etc. Voilà, c'est quand même les bases de cette guerre civile dans les comics. Donc la série est sans doute là en train de jeter également les premières bases de la guerre civile dans l'univers cinématique. Donc voilà, c'est vraiment sous ses airs au tout début, il y a deux ans, une série qui... Enfin, il y a deux ans, il y a un an et demi. Une série qui aura marqué le MCU de son empreinte, voilà, pour longtemps. Donc bah oui, Gemma, tu en as parlé. Cal, on a croisé Cal également au détour d'un épisode. Un épisode où on a un Cal plus badass que jamais. Bien enfin, moi, je l'ai vraiment vraiment aimé, et même physiquement il se transforme de plus en plus physiquement au niveau de sa coiffure, de son faciès qui devient plus mauvais, plus froid, j'ai envie de dire, et petit à petit le gentil Jekyll devient petit à petit Dr. Hyde. Oui, parce que c'est ce qu'il est. Nous voilà, là aussi, on a la transformation petit à petit que l'on voit aussi visuellement, donc c'est assez intéressant. Et puis l'équipe qu'il a recrutée autour de lui, enfin c'est... On les voit pas beaucoup, mais ils ont l'air prometteurs. C'est des cinglés, enfin voilà, ils sont vraiment... Ils apportent un truc qu'on avait encore pas forcément vu dans les méchants de cette série, et ouais, je vois. Moi, je les trouve charismatiques ensemble. Pas forcément les uns pris séparément, mais ensemble, ils dégagent quelque chose. Puis c'est aussi l'épisode où on voit l'ex-mari de May. Oui, c'est vrai. Qui apporte un petit peu d'humour. C'est vrai, c'est vrai. Pour détendre l'atmosphère. Donc voilà, et puis si on ajoute à ça cette intrigue développée dans les derniers épisodes autour du vrai Shield, puisqu'on a appris que Bobby Morse et, comment s'appelle-t-il, Mac, ne roulent pas finalement pour l'équipe de Coulson, mais roulent pour ce qui est appelé le vrai Shield, qui serait une équipe missionnée par Nick Fury. Donc ce qui est assez étonnant. Non, parce que... non, ils sont contre Nick Fury. Ah bah pour moi non, ils se... Bah non, justement, ils ont dit Nick Fury a mis en place Coulson alors qu'il aurait pas dû, il avait aucune autorité à l'être. En plus, il l'a ramené d'entre les morts avec un virus alien qu'ils n'ont pas aimé. Et en plus, l'ancien Shield qui était dirigé par Nick Fury était un Shield avec plein de secrets. Et c'est justement ce qu'ils veulent pas, parce que ces secrets-là ont amené à la destruction du Shield lui-même. Oui, d'accord. Bah non, c'est juste un petit détail, mais pour moi, j'avais compris qu'ils se défendaient de Nick Fury. Non, non. Justement, ils veulent s'éloigner du Shield de Fury, qui ouais. est maintenant le Shield tenu par Coulson. Par Coulson. Plus ou moins le même. Donc, ils sont, d'après eux, le vrai Shield. Et donc forcément, on va avoir un affrontement qu'on a eu dans le dernier épisode avec l'attaque des locaux de Coulson par ce fameux vrai Shield qui vient complètement démanteler le Shield de Coulson. Bah oui, tout le monde est séparé. Parce que là, il ne reste plus rien de ce Shield à la fin du dernier épisode que nous avons vu. Donc on a évidemment hâte de voir ce que tout ça va donner. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir une seconde. Ah non. C'est le truc qui nous... Alors là, vraiment... Enfin, si, on en avait parlé... Ah non, non, le coup du vrai Shield, non. Ah non, le coup du vrai... C'est après la vraie révélation. On comprenait petit à petit qu'il roulait pas forcément pour Coulson, mais on avait quelques hypothèses qu'on s'était échangées, mais ça, non, quoi. On était vraiment complètement à côté de la plaque, on avait vraiment pas vu venir ça. Et puis donc, et ben voilà, nous avons ce dernier épisode qui se termine par ce qui devait arriver, hein, la fuite de Sky. Oui, qui est, bah, elle va retrouver les siens. Tout simplement. Parce qu'elle appelle Gordon à l'aide. Voilà. Donc Gordon, c'est ce personnage qui est capable de se téléporter et d'emmener avec, de créer une bulle protectrice qui frise un peu le temps, etc. Et de récupérer quelqu'un pour l'emmener où on ne sait pas encore. Bah, je pense que ça va être l'occasion de découvrir encore plus d'Inhumain. Ah bah et oui, surtout, oui. Elle va retrouver son père, hein, puisque Gordon a récupéré Cal aussi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, des choses qui nous promettent vraiment d'être très... qui nous permettent en tout cas d'être vraiment très enthousiastes pour la suite et la fin de cette saison. Je pense qu'on a fait rapidement le tour. Si vous n'avez pas compris, Agents of Shield est toujours un coup de cœur, à l'heure qu'il est. Hein. Ça pour moi comme pour toi, je pense que voilà. Rendez-vous en fin de saison maintenant. Hein. Ce sera... quand est-ce qu'on a prévu le bilan d'Agents of Shield? C'est en mai. Juste après la diffusion. Juste après la diffusion du final, donc pareil. Là, on vous parlera de tout ça. Une fois la saison terminée, voilà, on vous en reparlera plus d'ici là. Et puis on vous en parlera également avec Mulder 29, hein, qui écrit le point Marvel TV chaque semaine et qui sera avec nous pour faire le bilan de Agents of Shield en fin de saison. Il nous aura écrit tous les articles chaque semaine avec son avis sur chaque épisode. Voilà, on a trouvé plutôt intéressant de l'inclure dans le podcast bilan, donc il sera avec nous et il sera avec nous également pour parler de Daredevil dans 2 semaines. Bon, ben voilà, on a fait le tour du programme de cette émission, donc nous allons la clôturer en vous rappelant les rendez-vous de la semaine. Ce week-end, la 10e Padawan édition consacrée au Joker, qui fête ses 75 ans cette année. Mardi prochain, on se retrouve pour le MAG numéro 11, et puis jeudi prochain, sur nos écrans numéro 11, avec, comme d'habitude, l'actu ciné télé et le débrief de la semaine, qui sera consacré au bilan de la 5e saison de The Walking Dead. D'ici là, bonne série, et à bientôt. Salut. We'll be right back.